Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, sixième et dernier épisode de notre série L'Otage, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani et Mathieu Aron, réalisée par Cédric Ossir. L'affaire Alstom. Depuis lundi, tous les après-midi, nous vous avons raconté un véritable thriller, un scandale d'État. En 2014, la France vend le contrôle de ses centrales nucléaires à l'américain General Electric. Pourquoi ? Patrick Cron, l'ancien PDG d'Alstom, affirme dans une interview au Monde que sa décision n'était en rien liée aux poursuites judiciaires américaines et qu'il ne répondait donc à aucun chantage. Pourtant, un ancien patron d'une des filiales d'Alstom, Frédéric Pierucci, se retrouve au cœur de ce thriller à 12 milliards de dollars. Pourquoi ? Au travers de l'histoire bien réelle de Frédéric Pierucci, jeté et retenu dans une prison de haute sécurité aux États-Unis pendant 14 mois pour corruption présumée, la fiction enquête sur les raisons qui ont fait que la France a perdu le contrôle d'une partie de ses centrales nucléaires, secteur d'activité ô combien sensible. Dans le livre « Le piège américain » de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, journaliste à l'Obs, livre paru aux éditions Jean-Claude Lattès, il ressort que cette histoire illustre la guerre économique que les États-Unis livrent à l'Europe pour s'emparer de ses pépites industrielles et même, s'il le faut, en détournant le droit et la morale. Dans le sixième et dernier épisode de la série, Frédéric Pierucci a pu rentrer à Paris quelques semaines avant de retourner devant la Cour de justice américaine pour entendre le jugement définitif. Et donc, profond dilemme, que faire ? Retourner devant la justice américaine et risquer à nouveau la prison ou fuir ? C'est une question quasi mythologique. Quand les dieux ne laissent aucune sortie, le choix est impossible. Il n'existe plus. Il faut assumer. Mais assumer quoi ? Quelle responsabilité ? Une vérité ou un mensonge ? Retourner là-bas, en enfer, et pour combien de temps ? Frédéric Pierucci a été condamné pour un acte dont il est innocent. Accepter de revenir, passer devant les juges, c'est risquer de retourner en prison alors que les coupables ne seront pas inquiétés ni jugés. Bien. Mais comment vivre en sursis ? Et pourquoi imposer cette vie à sa famille ? Après la diffusion du sixième épisode, nous recevrons Frédéric Pierucci lui-même, personnage central de cette histoire, rôle dont il se serait bien passé, mais dont il attire évidemment une expérience et des projets. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'otage, de François Luciani. D'après Le piège américain, de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Réalisation, Cédric Ossir. Sixième épisode, retour en enfer. Clara, tu dors ? Oui. Je peux te poser une question ? Non, je dors. Pour toi, c'est quoi un traître ? Mais écoute, il est 2h du matin, là, Fred. Non, mais je veux dire, dans une guerre, c'est quoi un traître ? Écoute, on verra ça demain. Dans une guerre, un traître, c'est quelqu'un qui trompe, qui passe à l'ennemi. Je m'en fiche. C'est quelqu'un qui ment pour sauver sa peau. Je m'en fiche, je te dis. Un général qui abandonne ses lieutenants sur le champ de bataille. Oui, c'est ça, un général sur le champ de bataille. Alcibiade qui trahit Athènes, Isabeau de Bavière qui brade la France à l'Angleterre. Tu vas te taire, oui. Et moi ? Moi, tu crois que je suis un traître ? Toi ? Mais pour être un traître, il faut avoir de quoi. T'as quoi, toi, pour trahir ? Rien. Eh ben voilà. Et si on fichait le camp ? Laisse-moi dormir. On achète un voilier, on prend le large. Fred. On se laisserait aller au gré des vents, des courants. Tu dérailles complètement. Ah, libre comme l'air. N'importe quoi. Tout recommencer. Allez, dors et fais de beaux rêves. Ça ira mieux demain. Non. Non, demain, ça sera comme aujourd'hui. Pareil. Bon, qu'est-ce que tu veux, Fred ? J'en ai assez, Clara. J'ai envie de partir. Loin, très loin. En finir avec toute cette saleté qui nous colle. Fuir. Mais pour aller où ? N'importe où, ailleurs. Tu sais bien que c'est impossible, ils te rattraperont à la première occasion. Parce que toi, tu me suivrais pas ? Non. Alors je partirai seul, c'est ça ? Oui. Sans toi ? Ah oui, sans moi et sans les enfants. Tu crois que j'en serais capable ? Non. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas trahir. Bah, je peux apprendre. Ça m'étonnerait. Tu crois ça ? Oui, tu sais pas mentir non plus. Quand tu mens, ton nez bouge alors. Donc pour toi, je ne suis pas un traître ? Non. Mais alors qui est un traître ? pour toi. Enfin, je veux dire, potentiellement. Potentiellement, à 2h du matin, franchement, personne. Ni toi, ni moi, ni personne, ok? Allez, demain, je bosse. C'est pas vrai. Impossible de fermer l'œil. Des nuits entières. La peur de l'enfer. Encore. Et encore. Retourner là-bas? Mais pourquoi? Partir. Sans laisser de traces, ni d'adresse. Envoler. Fuir? Clara et les enfants seront aussitôt expulsés de notre maison. Mes parents étranglés par la banque. Les maisons de mes amis Anna Branfield et Ray Simon saisies, elles aussi. Un mandat d'arrêt international fera de moi un fugitif ad vitam dans une guerre sans fin. Oui. Allô, Stan? Oui, Fred. Comment allez-vous depuis le temps? Il faut avancer la date de mon jugement. J'en peux plus d'attendre, c'est insupportable. Vous savez ce que vous risquez? Oui. Si les procureurs estiment qu'ils ont encore besoin de vous, ils refuseront de demander une dispense de peine au tribunal qui vous jugera. Je suis prêt à prendre le risque. Dans ce cas, il faut demander un time served. Un verdict correspondant à la peine déjà effectuée, soit 14 mois à Wyatt. Vous croyez que c'est possible? Fred, vous êtes sûr de vous? Oui. L'attente, le doute, un quotidien sans autre avenir que la perspective de la prison, un jugement qui vient pas, tout cela est insupportable. Je peux pas continuer à vivre comme ça, vous comprenez? Comme un prisonnier en sursis, c'est impossible. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Toujours la même réponse. Pendant ce temps, Patrick Cron, lui, a su battre en retraite pour sauver sa peau. 3 jours avant Noël, il a signé un dommage de guerre de 772 millions de dollars. Une amende record à payer par Alstom pour des faits de corruption où il a plaidé coupable. Il en est sorti blanc comme neige et il parade même devant l'Assemblée nationale où il vend sa pseudo-alliance avec General Electric. Assemblée nationale, Commission des affaires économiques, 11 mars 2015, compte rendu numéro 39. Je considère que le projet d'union entre Alstom et General Electric est bon pour Alstom, bon pour l'emploi et bon pour la France. Patrick Cron. Vous pouvez ne pas être d'accord. PDG d'Alstom. Mais il doit être clair que l'ensemble des éléments qui m'ont conduit à en faire la promotion sont sur la table. Et aucun fait caché qui concernerait notamment le rôle de la justice américaine n'a pesé dans ma décision. Même si notre ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron, pouvait émettre certaines réserves. La décision qui était alors prise, c'était de savoir si nous voulions tuer Alstom Energy ou pas. Ça n'était pas une autre décision, parce que, précisément, nous avions collectivement été mis devant le fait accompli. Pour ce qui est de l'enquête de la justice américaine, je me suis moi-même posé la question. Lorsque tout cela est survenu, j'ai posé la question de manière très directe à M. Cron, parce que j'étais à titre personnel moi-même persuadé que c'était le cas. Je n'ai aucune preuve. Hein. Nous avons demandé, nous avons mené diligence pour essayer de mettre en évidence un lien de cause à effet. Nous n'avons pas réussi à l'établir. Après, chacun reste avec son appréciation personnelle. Je n'ai d'autre chose que la réponse qui m'a été faite par M. Cron et qui m'a en effet assuré que tel n'est pas le cas et que cette procédure n'avait eu aucune influence. Après, nous avons chacun notre conviction intime. Je ne dirais pas que ma conviction intime ne rejoint pas la vôtre sur certaines de vos interrogations, mais nous n'avons aucun moyen de l'établir. 12 millions d'euros. Enfin, 11 millions 6 exactement. C'est la somme que Patrick Cron a finalement empochée en récompense de la vente d'Alstom. 4 millions de bonus sur la vente, plus 2 millions 260 000 pour sa rémunération de 2015-2016, ajoutez à cela une retraite chapeau de 5 millions 4, soit au total un minimum de 11 millions 6 d'euros. Pas mal. Quant à moi, je suis toujours sur la liste des chômeurs de longue durée à Pôle emploi. Là encore, Patrick Cron, mon cher patron, tout à fait conscient de ma situation, plaide sans état d'âme son innocence devant les députés de l'Assemblée nationale qui le questionnent à ce sujet. Assemblée nationale. Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'Alstom, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé. Présidence de Monsieur Olivier Marleix. Mercredi 4 avril 2018, séance de 17h15, compte rendu numéro 49. S'agissant maintenant de la situation de Monsieur Pirucci, vous avez évoqué l'aspect humain. C'est très clair, le sujet est très sensible et très douloureux. Pour Monsieur Pirucci au premier chef, mais aussi pour l'ensemble de ses collègues et des dirigeants de la société, à commencer par moi-même. À partir de son arrestation, qui nous a surpris et choqués, nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire pour l'aider à se défendre. Nous avons proposé de recourir à un avocat de très haut niveau, et contrairement à ce qui a été dit, parfaitement indépendant d'Alstom et qui n'avait à rendre de compte qu'à Monsieur Pirucci. Nous avons pris en charge les coûts correspondants. Nous avons proposé de payer la caution pour sa libération, mais les procureurs l'ont refusé. Nous avons dû interrompre cette prise en charge et mettre fin à son contrat de travail quand il a plaidé coupable. En effet, le droit des sociétés aux États-Unis ne permet pas de continuer à défendre et à payer un salarié quand il reconnaît qu'il est coupable de violation de la loi. Je le répète, c'est une situation très difficile, très douloureuse, très sensible. Je considère avoir, dans un cadre juridique contraint, agi au mieux de ce que je pouvais faire dans ce domaine. Les faits pour lesquels il a plaidé coupable sont les mêmes que ceux pour lesquels Alstom a ensuite plaidé coupable. Une fois cela fait, n'y avait-il pas moyen de lui accorder une réparation sur le paiement de ses frais et sur les conditions de son licenciement ? Alstom a plaidé coupable pour contrôle insuffisant et pour écriture comptable fausse, puisque nous avions enregistré de manière erronée une somme qui s'est avérée correspondre au versement d'un pot de vin. Mais je le répète, j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire pour aider M. Pirucci, que je connais et dont il est clair qu'il n'a absolument rien fait dans cette affaire pour son intérêt personnel. En tout cas, personne n'a jamais mis M. Pirucci en cause pour quelque élément que ce soit de ce type. J'ai fait ce qu'il était possible de faire. Nous ne pouvions ni maintenir son contrat de travail, ni payer les frais de sa défense. J'ai attendu 2 ans. 2 ans de petits boulots par-ci par-là. Des conférences pour quelques centaines d'euros. Des conseils en entreprise, avec une microstructure que j'ai créée en attendant. 2 ans de purgatoire, pour savoir si oui ou non, je retournerai un jour en enfer. Fin août 2017, je reçois enfin un coup de fil de Stan Joss. Allô ? Fred, c'est Stan. Oui ? J'ai reçu les conclusions écrites de l'accusation. On est dans la merde. Il doit être un coupable principal. Comment ça ? Comme vous savez, Alstom a payé une énorme amende. 772 millions de dollars. Il est impossible pour les procureurs de clore le dossier sans un coupable principal. Comprenez ? Non. Pomponi est décédé. Rothschild a coopéré. Cron a vendu Alstom. Il ne sera jamais inquiété. Le seul coupable qui reste, c'est vous, Fred. Il leur faut un leader de la corruption. Ils vont vous faire porter tous les chapeaux, y compris le dossier indien. Mais je n'ai rien à voir avec les Indiens. Aucune importance, Fred. Il leur faut un coupable pour classer l'affaire, c'est tout. J'ai été convoqué le 25 septembre 2017 devant le tribunal du district du Connecticut pour y être jugé. Devais-je répondre à cette convocation ? Avais-je un autre choix ? N'y va pas. Reste ici, avec nous. Clara. Ici, au moins, t'es en sécurité. Tu sais ce qu'on risque, si je me défile devant la justice américaine. Oui. Ils nous lâcheront jamais, Clara. Ni toi, ni moi, ni notre famille, tu comprends ? Et si tu retournes en prison, tu peux me dire ce qui va arriver ? Rien ne dit que je retournerai en prison, oui. Il y a un risque, c'est vrai, Tu veux finir là-bas ? Au fond du trou, pendu à un lacet ? Parmi les assassins, les criminels ? Non. Alors ? N'y va pas, reste ici. Tu serais d'accord, toi, pour vivre hors la loi jusqu'à la fin de tes jours ? Tu sais ce que ça veut dire, une vie de paria ? Du moment que t'es là, près de moi, c'est tout ce que je demande. Le reste, je m'en moque. Non. Ce que tu me demandes, Clara, c'est d'être un lâche. Je suis pas un délinquant, Clara, et je ne le serai jamais. Un lâche, toi ? Et les autres ? Tu les as vus, les autres ? Ils se sont bien fichus de nous. Alors moi, tu vois, je préfère vivre avec un lâche bien vivant plutôt qu'avec le souvenir d'un mari mort. Tu comprends ça ? Un mari mort ? T'exagères un peu quand même, non ? Et les enfants ? Tu as pensé aux enfants ? Eh oui, bien sûr. Tu ne crois pas qu'ils ont besoin de toi, eux aussi ? Je sais. Tu imagines leur vie gâchée juste pour faire plaisir à une bande de pourris, là ? C'est impossible, Fred, impossible ! Écoute-moi, Fred, je t'en supplie. Ne nous abandonne pas. Je ne voulais pas l'abandonner, mais avais-je seulement le choix ? Je n'ai pas eu le courage de fuir. Alors, tout naturellement, je me suis livré à la justice américaine. Quelques semaines plus tard, seul, sans aucune aide, j'ai fait face à la juge fédérale, Janet Bond Atherton, une femme âgée et sèche, 75 ans passés, présidente du tribunal du Connecticut. Veuillez vous asseoir, monsieur Pierucci. Avez-vous lu le compte-rendu de l'officier de probation ? Oui, votre honneur. Avez-vous compris son contenu ? Oui, votre honneur. Avez-vous eu l'opportunité de répondre à son contenu ? J'aurais bien voulu lui dire que je contestais à peu près tout, de ce simple copier-coller des conclusions des procureurs, que je n'acceptais ni mon rôle de leader, ni une quelconque implication dans une affaire en Inde, que je ne me suis jamais enrichi dans aucune de ces affaires. Mais il est trop tard. Je sais que si je m'aventure sur ce terrain, 10 années de prison me pendonnaient. Alors, j'ai répondu... Oui, votre honneur. Bon, dans ces conditions, examinons votre fourchette de peine. Pour l'infraction de corruption, cela fait 12 points. Ensuite, comme il y a plusieurs pots de vin, il faut en rajouter 2. Après, on prend en compte les marges réalisées par Alstom sur le projet indonésien de Taharan et sur le marché indien de Baha, ce qui nous fait 20 points, plus 4 autres points, car les corrompus exerçaient des mandats officiels, et 4 autres points encore, car vous êtes le leader de la corruption. Enfin, on vous enlève 2 points, puisque vous acceptez votre responsabilité personnelle. Est-ce que le gouvernement est d'accord pour lui enlever 1 point de plus ? Oui, votre honneur. Bien, cela nous fait donc 29 points. 39, votre honneur. 39, en effet. Monsieur Pierucci, n'ayant pas d'antécédent criminel, il est dans la catégorie 1. La fourchette de peine de prison est donc de 262 à 327 mois. Hallucinant. 27 années d'emprisonnement. Toute une vie. Je suis tétanisé. Je regarde Stan. Il a l'air nerveux, très inquiet. Il entame sa plaidoirie mollement, sans conviction. Votre honneur, mon client, monsieur Petrolec, Pierucci, est un bon père. Il aime sa famille, ses enfants. Il est innocent. Il a 3 enfants. 4. Et... Maître Joss. Monsieur Pierucci est le père de 4 enfants. Pierre, Léa, Amélie et Raphaël. Vous confirmez, monsieur Pierucci ? Oui, votre honneur, je suis bien le père de 4 enfants. Monsieur Pierucci n'a jamais touché d'argent ni dans le dossier indonésien, ni dans le dossier indien, où il n'a rien à voir. Il a déjà effectué 18 mois... 14 mois, maître. Monsieur Pierucci a effectué 14 mois. Oui, votre honneur, excusez-moi. C'est bien 14 mois que mon client, monsieur Pierucci, a effectué... C'est pourquoi je sollicite votre indulgence et demande un time served sur des faits graves de corruption, mais dont il n'est pas responsable. Et je... Il bafouille, il s'embrouille, il mélange les dates, les noms, les dossiers. Il termine son discours dans un silence accablant. Il n'a jamais été aussi mauvais. La présidente Janet Bond Atherton se lève, annonce son temps de délibération. Quelques minutes plus tard, elle entre à nouveau dans la salle. Il est triste d'entendre M. Pierucci expliquer qu'il aime son épouse, ses enfants, sa famille, mais qu'il n'a pas pensé aux conséquences pour eux de ses actions. Les corrompus acceptent des pots de vin, détournent les maigres ressources de leur pays, et dans ces nations, les efforts pour installer des démocraties sont mis à mal par les actions d'hommes d'affaires internationaux. Franchement, la Cour a eu le cœur brisé de ne pas entendre dans le discours de M. Pierucci la moindre demande d'excuse sur ce point. Une peine doit servir d'exemple, à la fois pour l'individu concerné, mais aussi pour d'autres qui vont chercher des dollars dans des pays du tiers-monde pour leurs projets et leurs profits. M. Pierucci, veuillez vous lever. Je me suis levé. Je tenais à peine debout. Mes jambes tremblaient, électrisées par la peur. Monsieur Pierucci, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, vous êtes condamné à une peine de 30 mois. Vous devrez vous présenter le 26 octobre 2017, à midi, au centre de détention qui vous aura été signalé par le bureau des prisons. Elle a ramassé ses dossiers et elle a disparu. Cela a duré 6 minutes, montre en main. 6 minutes pour 2 ans et demi de prison de haute sécurité. 30 mois. Avec les 14 déjà effectués, il reste 16. Moins les 4 pour bonne conduite, il reste 12 mois. 1 an. 365 jours d'enfer. Je regarde mon père qui est là dans la salle. Il ne comprend pas l'anglais, mais je vois qu'il est dévasté. Je n'ai aucune réaction. Incapable d'articuler le moindre mot. Je vois Stan qui tente de négocier mon retour en France avant mon incarcération. Une seule envie. Disparaître. Tout quitter. Tout oublier. Mourir. La vie file à toute vitesse. Parler à Clara. J'aurais dû l'écouter. Fuir. Sera-t-elle assez forte? Serons-nous assez unis pour tenir? Et si elle décidait de me quitter, n'en aurait-elle pas le droit après tout? Clara. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Je sais pas. Il faudra bien leur dire quelque chose. Il y a un vol ce soir pour Paris. On aura 2 semaines pour nous. Et après, ben... Allô? Allô, Clara? Allô? Tout est OK, Fred. Lise a pris vos billets. Vous décollerez à 20h précises. Vous n'avez pas une minute à perdre. OK. Bon, de belles semaines avec votre famille? Ah oui, Stan. Assurément, ce sera de très belles semaines. Vous devrez être ici le 12 octobre, 10 jours ouvrables avant votre incarcération. Ce sera au Moshannon Valley Correctional Center. C'est où? Phillipsburg, Pennsylvanie. Ah. Et c'est comment? Les étrangers, pour la plupart mexicains, dominicains, nigériens, ghanéens, ivoiriens, 1800 détenus. Je vois. Désolé, Fred. Désolé? Ah oui. Ben, c'est normal, Stan, vous êtes désolé. Hein? Bon, je vous comprends. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Lise sera toujours là. Ben, et... de quoi pourrais-je avoir besoin, Stan? Selon vous? Une double ration de saucisses? Une savonnette au black pour les jours de douche? Des piles rechargeables pour ma radio? Au fait, on a le droit à la radio dans le dortoir? J'ai pas le souvenir qu'on ait vraiment le droit... Je voudrais pas risquer 3 jours de mitard pour une connerie de radio, hein. D'après vous, Stan, on a le droit à la radio ou pas? J'ai fait tout ce que j'ai pu, Fred. Je vous l'assure. Vous êtes nul. Vous avez toujours été nul. Vous avez eu la trouille devant vos petits potes, le juge, les procureurs, des collègues, vos amis. Vous avez eu la trouille de Stan. La trouille pour votre compte, votre avenir, votre boulot. Je vous ai vu transpirer, là, les gouttes sur le front, le col de chemise tout bouillé. Ça trompe pas, Stan. Avouez-le. Vous vous êtes fait dessus, comme un péteux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous, Fred. Je n'ai rien à me reprocher. Un minable! Vous êtes qu'un minable. Au revoir, Fred. Allez vous faire foutre, Stan. Le soir même, j'étais dans l'avion pour Paris. Mon père, qui m'avait accompagné au tribunal, était défait. Nous n'osions à peine nous parler, tant la perspective de revenir ici était insupportable. Nous avons dormi, l'un près de l'autre, sur ce siège de classe économique qui me ramenait à la maison. 2 semaines pour boucler les affaires courantes, mettre tout en ordre. 2 petites semaines où j'ai pu alerter quelques parlementaires. Karine Berger, du Parti Socialiste, Pierre Lelouch, des Républicains. Ils étaient effarés. Mais ils n'ont rien pu faire. 2 petites semaines avec Clara et les enfants. Et puis le soir est venu, où j'ai dû faire mon pactage. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Ouste ? Amélie, Raphaël, mes deux amours. Voilà, je dois partir encore une fois, à cause de mon nouveau travail. Je sais, cela ne va pas vous plaire beaucoup, mais je voulais vous dire que là-bas, où je serai, sur la banquise, il y aura des ours. Ils ne sont pas méchants, les ours. Mais il faut faire tout de même attention. Pendant que je serai absent, Amélie, il faudra que tu t'occupes bien de notre Kiko. Un jeune golden retriever, ça demande beaucoup d'attention. Et toi, Raphaël, il faudra que tu sois gentil avec maman. Il ne faudra pas la faire enrager pour un oui ou pour un non, d'accord? Et il faudra que vous soyez patiente. Quand je reviendrai, vous aurez 10 ans, vous serez déjà grande et... Papa? Oui? Je te dérange? Non, pas du tout, viens, viens. J'étais juste en train d'écrire un petit mot aux jumelles. Tu pourras leur donner demain, quand elles se réveilleront? Oui, bien sûr. Merci, mon garçon. Je voulais te dire... C'est pas la peine, fiston. Y a rien à dire. Demain, j'ai mon bac blanc. Alors, je serai pas dispo pour t'accompagner, tu m'en veux pas? Mais non, je t'en veux pas. Merci, papa. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Ah bon? C'est quoi? Tiens. Mais c'est ta montre? Ouais. Une Breitling. Modèle Aviator, chronographe acier et or rouge 18 carats. C'est mon père qui me l'a offerte pour mes 18 ans. Alors... Pour moi? Ouais. Là où je vais pas en avoir besoin. T'es sûr? Ça te sera plus utile, surtout un jour d'examen. Ouais, pas. Alors applique-toi, hein. Sors-moi une putain de bonne note. Hein. Ok, papa. Je vais leur sortir une putain de bonne note. Mmh. Mais toi non plus, t'es pas encore couché, mais il se passe quoi dans cette maison? Il est minuit passé, là. Mais je dis au revoir à papa. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon fils. Les adieux, c'est pas mon fort, tu sais. Je vois ça. Heureusement, Pierre est en âge de comprendre maintenant. Tu as carrément donné ta montre. Ouais. Ah, et puis j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton alliance? Bah, ils vont me la prendre, alors. Autant que tu la gardes. Tu me la rendras à mon retour. Si tu veux. Comment ça, si tu veux? T'as le droit, tu sais. Il peut se passer tant de choses. Tu pourrais rencontrer quelqu'un et... Et quoi? Et je t'en voudrais pas. Voilà, la vie est ainsi faite. Quelqu'un? Mais qui? Je sais pas. Un homme. Un autre homme. Quel genre d'homme? Un grand brun. Riche. Avec des muscles. Avec des gros muscles? Oui. Avec des gros muscles. Une baraque, quoi. Ouais, un peu comme toi, quoi. Non, pas du tout comme moi. Moi, j'ai pas de muscles et je suis pas riche, alors... Bien. J'ai dit quelque chose de mal? Approche. Je t'ai blessé. Embrasse-moi. Le 25 octobre 2017, j'ai atterri à State College, en provenance d'Hartford, Pennsylvanie. Le 26, à 6h du matin, j'ai pris un taxi pour le 416 Graham Station Road, à Phillipsburg. Nous avons traversé d'immenses forêts. Malgré le GPS, le chauffeur s'est perdu, incapable de trouver la prison. Après 2 heures de route, pour 35 kilomètres, il m'a enfin déposé sur le parking du Moshannon Valley Correctional Center. Il est 8 heures du matin, à plus de 1000 mètres d'altitude, au cœur des montagnes de Pennsylvanie. Il fait un froid glacial. Béton, barbelé, mirador. Devant nous, l'imposante bâtisse du Correctional Center se dresse sous la protection du drapeau des États-Unis d'Amérique. Le chauffeur me demande... À quelle heure je reviens vous chercher, monsieur? Je lui ai donné $50 pour la course et il est parti sans demander son reste. Je me suis assis sur mon sac. Je me suis demandé ce qui était le mieux pour moi. Faire demi-tour, il est encore temps. C'était à moi seul d'en décider. Devant l'immondice des choses, quitte à en mourir, je me suis mis debout, face à eux, et à leurs chiens, et à leurs drapeaux. Et j'ai sonné à la porte de l'enfer. Un gardien m'a ouvert. On m'a mis nu. Je n'avais ni montre, ni bijoux, ni rien. Mais je savais qu'un jour, Si tu veux, je raconterai mon histoire. L'otage de François Luciani. D'après Le piège américain de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Sixième épisode, Retour en enfer. Avec Michael Cohen, Daniel Koenigsberg, Marie Dompnier, Laurence Roy, Dominique Daguier, Louis Berthélémy, Bruno Pavio, Laurent Lederer, François Hatt, Julien Héricot et Bernard Gabet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Vignal et Laetitia Delgado. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Cédric Ossier. Sensible, Fabrice Drouel. Affaire sensible, la fiction. Aujourd'hui, dernier épisode de notre série intitulée L'Otage. Notre invité, Frédéric Pierucci, ancien cadre dirigeant de l'entreprise Alstom, personnage central de cette histoire. Bonjour Frédéric Pierucci. Bonjour. Merci d'abord d'être avec nous. Nous avons parlé de vous toute la semaine. Maintenant, nous allons parler avec vous. Donc, ancien président de la filière chaudière d'Alstom, vous avez été arrêté à New York en avril 2013 par le FBI et poursuivi pour corruption présumée. 14 mois de prison, tout de même. 2 ans de silence imposés plus tard. Vous vous spécialiserez dans les questions de prévention de la corruption internationale. J'insiste sur ces informations et elles sont importantes, car en lisant le livre que vous avez coécrit avec Mathieu Aron, comme je le disais en introduction, et il ne faut pas l'oublier un instant, il s'agit là d'une guerre secrète que les États-Unis livrent à l'Europe en détournant le droit et la morale pour les utiliser comme arme économique. Alors revenons, si vous voulez bien, sur le début de cette histoire. Nous sommes le 14 avril 2013, votre avion se pose à New York, vous venez aux États-Unis pour un voyage d'affaires de quelques jours. Donc j'imagine, pas la routine, mais enfin, c'est votre métier, c'est le quotidien. Et là, votre vie bascule avec cette arrestation. D'abord, Quel est votre premier sentiment? À quoi vous pensez? Parce que j'imagine que vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Mon premier sentiment, c'est qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés, ils voulaient arrêter quelqu'un d'autre, peut-être un homonyme, etc. Mais ils se sont trompés. Donc c'est la sidération complète. Et puis, je venais d'un vol quand même de 24 heures, je venais de Singapour, donc j'étais très très fatigué. Et donc au début, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. En fait, je me suis laissé porter de la porte de l'avion, en fait, jusque dans la voiture, jusque au siège du FBI. Et là, c'est vraiment lorsque j'ai rencontré le procureur au siège du FBI que... j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Au début, vous pensiez au dossier indonésien, par exemple? Je ne pensais absolument pas au dossier indonésien, je pensais à rien du tout. Vu que les personnes qui m'ont arrêté, en fait, ne savaient même pas pourquoi elles m'arrêtaient. Elles avaient juste ordre de m'arrêter et de m'amener devant ce procureur au siège du FBI. Donc, vous vous retrouvez dans un système très asymétrique, où, en fait, vous rentrez dans une négociation avec un procureur, et en fait, vous ne voyez jamais le juge. Moi, en 5 ans de procédure, je n'ai jamais vu le juge. J'ai vu le juge le dernier jour, pour ce qu'ils appellent la séance de sentencing, c'est là où vous donnent votre peine, et je l'ai vu 20 minutes. Donc je n'ai jamais pu expliquer l'affaire devant un juge. Vous vous souvenez des premiers mots qui ont été prononcés par les gens qui vous ont arrêté? Parce qu'à un moment, ils vous disent bien pourquoi quand même. Oui, en fait, ils m'ont dit, enfin, le procureur m'a indiqué que Alstom était sous enquête depuis plusieurs années pour des affaires présumées de corruption dans différents pays, que Alstom ne coopérait pas depuis plusieurs années avec le ministère de la Justice américaine, et donc ils avaient décidé de frapper un grand coup, et que, en fait, la cible, ce n'était pas moi, mais c'était de manière ultime le président d'Alstom de l'époque, et que leur but était de l'incarcérer. Mais que pour remonter les échelons, ils avaient besoin d'abord de commencer à mon niveau. Et donc, tout de suite, et ça c'est extrêmement choquant parce que vous êtes dans un état de sidération complète et tout de suite on vous demande en fait de jouer la top à l'intérieur de votre entreprise pour incriminer des personnes plus haut placées. Et vous devez prendre une décision tout de suite. Et vous vous êtes senti dans la situation d'un otage? Est-ce que le mot est propre pour le coup? Le mot est propre parce que au bout du compte, c'est une nouvelle sorte de prise d'otage, une nouvelle forme de prise d'otage. C'est une prise d'otage économique, c'est-à-dire qu'on vous arrête pour, de manière ultime, mettre la pression sur l'entreprise pour que l'entreprise se vende. Et donc, on est dans quelque chose qui n'est pas commun. Alors là, vous avez un avocat, bien sûr. Ben, au début, je n'ai pas d'avocat. Mais après, Donc après, j'ai un avocat, mais c'est un avocat qui, est nommé par l'avocat qui défend Alstom dans la même procédure. Donc c'est Alstom qui fait le choix de mon avocat, et en fait, pendant toute cette procédure, je me suis aperçu qu'il ne me défendait pas, il défendait principalement Alstom. Et dans ce type d'affaires, vous avez un conflit d'intérêt tout de suite entre l'entreprise et l'individu. Pourquoi est-ce que vous avez ce conflit d'intérêt? Parce que l'individu qui vient d'être arrêté veut collecter tout un tas de preuves pour montrer que son rôle était mineur, que les décisions étaient prises au plus haut niveau, etc., etc. Donc vous demandez tout un tas de documents, d'emails, de chartes d'organisation, etc., de copies de procédures, que l'entreprise ne veut pas vous donner. Parce que si elle donne tout ça, ça veut dire qu'elle va donner des billes au département de la justice américaine pour incriminer d'autres personnes qui, elles, ne sont pas arrêtées. Donc ce qui est normal, donc l'entreprise préserve les personnes qui ne sont pas arrêtées, mais pour préserver les personnes qui ne sont pas arrêtées, vous lâche, et donc vous êtes dans un conflit d'intérêts dès le début. Et donc là, mais ça je l'ai compris bien plus tard. Au début, je pensais vraiment pouvoir avoir le support total de mon entreprise. Bien sûr, vous vous dites, je suis un cadre important d'entreprise, enfin je ne suis pas le PDG non plus. Voilà. L'entreprise va réagir, quoi. Voilà. Et là, rien. Alors l'entreprise, au début, m'a nommé cet avocat. Au bout de quelques semaines, l'avocat m'a dit, bon, de toute façon, maintenant, l'entreprise est contre vous. L'entreprise a décidé maintenant de coopérer complètement avec le ministère de la Justice américaine. Donc on a fait un virage à 180 degrés, et donc on est passé de non-coopération à coopération totale. Donc coopération totale, ça veut dire, vous devez faire exactement ce que le ministère de la Justice américain vous demande. Et le ministère de la Justice américain vous demande de lâcher votre employé, et donc c'est ce que l'entreprise fait pour préserver ses intérêts et les autres employés et surtout le PDG. Là, vous dites je suis coincé, c'est un cauchemar, j'imagine. Et là, ça devient vraiment un cauchemar parce que vous allez en prison. À Wyatt, dans l'état de Rhode Island, un centre de détention de haute sécurité. Parlez-moi de cette incarcération, ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé. Bah, ça va très vite. Hein. En fait, un jour, vous êtes avec votre femme et vos enfants à Singapour. Le lendemain, vous êtes dans une prison de haute sécurité, dans un dortoir de 54 personnes. Un sarcophage de béton, dites-vous. Un sarcophage de béton. Et donc, vous devez vous fondre très rapidement dans la masse. Pour survivre. Et là, c'est une expérience extrêmement intéressante. Comment tout ce beau monde vit dans une prison. Parce que là, on est dans une prison de haute sécurité, donc avec ce qu'on appelle des criminels de carrière, donc des gens pour qui c'est leur maison. Vous arrivez dans leur maison, en fait, parce qu'ils vivent là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ils sont encore là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, quand vous allez chez votre voisin, vous respectez les règles de la maison. Donc, vous devez apprendre très rapidement ces règles d'un univers complètement inconnu. Vous rencontrez, je crois, un détenu qui est là depuis plus de 30 ans, c'est ça ? Oui, je rencontre des personnages très haut en couleur. Oui, je rencontre. Enfin, amitié. Oui, en fait, forcément, vous liez d'amitié parce que vous restez 14 mois dans le même endroit, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Donc, en fait, vous connaissez les gens pratiquement mieux que votre famille, au bout du compte, parce que vous passez énormément de temps avec eux. Et donc, oui, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de personnes, dont du grand banditisme, en fait, hein, parce que vous êtes là avec la crème de la crème. Donc, oui, il y avait un ancien détenu de la French Connection qui était là, probablement l'un des derniers survivants de la French Connection et qui a passé 4 ans en prison en France, et qui connaissait très bien le tribunal de grande instance de Versailles, qui m'a décrit les juges, etc. Donc, c'était assez rocambolesque. Je comprends mieux pourquoi vous parlez d'expérience, hein, parce que tout ce que vous venez de dire, effectivement, ça constitue une expérience. Mais c'est peut-être un mot qu'on emploie une fois qu'on est libéré. Quand vous êtes in situ, dans la situation, est-ce que vous pensez à une expérience ? Au contraire, c'est la terre qui se dérobe, c'est celle qui vous tombe sur la tête. Quoi. C'est celle qui me tombe sur la tête, mais dès le premier jour, j'ai commencé à écrire. Dès le premier jour, j'ai eu un bloc-notes, j'ai eu un crayon, et j'ai commencé à écrire ce qui se passait. Et donc, j'ai tenu un journal, que en plus, ensuite, j'ai partagé avec Mathieu, etc. Et donc, au jour le jour, j'ai noté exactement tout ce qui se passait, parce que je voulais surtout pas oublier les détails. Et surtout, j'ai surtout commencé à étudier de manière très, très détaillée cette jurisprudence américaine, notamment le Foreign Corrupt Practice Act, qui était la loi anticorruption américaine. Et donc, j'ai étudié tous les cas des entreprises, des individus. J'ai écrit plus de 2000 pages d'analyse sur ces cas-là. Non surtout pour essayer de trouver la jurisprudence qui pouvait me servir pour me défendre. Vous aviez accès à l'information, j'imagine, en prison, à l'actualité. J'avais accès à rien du tout. Donc, en fait, j'avais accès à rien. Il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone, absolument rien. Donc, je demandais à ma famille de m'envoyer par courrier tout ce qu'elle pouvait trouver sur cette loi, et donc ils m'ont envoyé des milliers et des milliers de pages, etc. Et ensuite j'analysais ça à l'ancienne, j'avais même pas de bureau, donc c'était voilà. Et donc je vous pose la question parce que vous deviez observer de très près comment le gouvernement français réagissait. C'était quand même important. Oui, alors le gouvernement français au début n'est pas intervenu, et en fait j'ai mis déjà longtemps à comprendre ce qui se passait. Pendant plus de 8 mois, je n'ai pas compris vraiment ce qui se passait. Tout s'est éclairé le jour où il y a eu l'annonce de Bloomberg qui a annoncé le rachat d'Alstom par General Electric. Et là, j'ai eu un moment Eureka, j'ai compris, et tout le monde a compris, et mon avocat qui, lui, à mon avis, connaissait un peu les dessous, ensuite je l'ai mis devant le fait accompli. Je lui ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Non, j'ai compris pourquoi je suis là, j'ai compris pourquoi c'était moi qui avait été ciblé. Maintenant, on recommence la discussion à zéro, et voilà ce que je souhaiterais que vous fassiez, etc. Vous avez compris que vous étiez l'instrument, à votre corps défendant évidemment, d'une guerre économique entre les États-Unis et la France, et des pratiques américaines. Voilà. Ils sont quand même brutales, quoi. Bah, j'ai utilisé pour faire peur au PDG d'Alstom, en fait, pour qu'il, paye l'amende, reconnaisse les faits, paye l'amende. C'est extrêmement important à l'époque. C'était la plus grosse amende payée par une entreprise pour enfreinte à la loi américaine anticorruption, et ensuite pour qu'il vende l'entreprise, enfin les 2/3 de l'entreprise, à son concurrent. Et comme j'avais étudié en long, en large, en travers tous les cas de la jurisprudence sur cette loi, j'avais bien vu qu'effectivement il y avait une image très claire qui apparaissait. C'était que la cible principale de ces attaques étaient les entreprises européennes. Donc encore maintenant, plus de 80% des amendes payées au titre de cette loi extraterritoriale américaine sont payées par les grandes entreprises européennes. Donc ça continue. Donc ça continue. Alors maintenant, on a la chance d'avoir, je dirais, Trump comme président, parce qu'en fait, il dit tout haut ce que Obama faisait tout bas. Toutes les grandes affaires, que ce soit Alcatel, Alstom, Technip, Total, BNP, tout ça, c'était fait sous Obama, en fait. Donc Trump continue, en fait, la même stratégie qu'Obama, sauf qu'il le fait de manière extrêmement décomplexée, et maintenant, il met même plus les gants pour enrober... Puis comme ça, c'est clair. Voilà, maintenant, c'est très clair. Frédéric Pierucci, on fait une petite pause musicale et on parlera aussi de l'avenir. Le jeudi 11 juillet 2019, la Commission des affaires économiques a entendu Arnaud Montebourg, donc ancien ministre, devenu entrepreneur, a été entendu sur la situation de General Electric en France et les outils de l'État pour mieux anticiper les conséquences économiques des cessions d'entreprises françaises. On est dans le sujet, on l'écoute. Le retour en l'état antérieur, c'est aujourd'hui juridiquement ce qu'il conviendrait d'obtenir. Car il n'y a pas respect d'un accord. Donc, il y a eu des manœuvres dolosives, nous le savons, à cause du témoignage de M. Pierucci, qui a été instrumentalisé par le Department of Justice pour faire pression sur le board de Alstom pour qu'il vende dans des conditions inacceptables, à toute vitesse, dans le dos de son gouvernement, la branche énergie d'Alstom. Pour moi, cette vente est dolosive. Et en droit français, une vente qui a été réalisée par une violation du consentement peut être annulée à la demande d'une des parties. Donc moi, je ne peux que vous dire, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, le gouvernement a la possibilité de défendre juridiquement un accord qui a été négocié tel qu'il l'a été, mais dans la mesure où nous savons aujourd'hui dans quelles conditions la négociation a eu lieu, eh bien, nous sommes en mesure de faire respecter la France. C'est une humiliation nationale, en effet, et elle mérite une réparation. Elle mérite en tout cas que des mesures soient prises pour rétablir nos intérêts. Ça plaira ni à M. Cron ni à M. Bouygues. Mais c'est pas grave. La France passe avant tout le monde. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Et malgré tout, vous avez vécu ce que vous avez vécu. Que pensez-vous de... Alors beaucoup de choses se sont passées depuis. Là, 2019. Hein, là on est en 2019, donc General Electric est quasiment au bord de la banqueroute, a commencé à remettre en vente une partie de ce qu'il avait racheté à Alstom. Il faut dire que General Electric a une dette de plusieurs milliards de dollars qui est héritée de la crise des subprimes, où à l'époque le gouvernement américain avait injecté 139 milliards de dollars dans General Electric pour sauver General Electric de la banqueroute. Donc maintenant ils sont obligés de vendre. Donc là ils ont remis en vente la partie nucléaire, notamment, qui est la partie la plus stratégique pour le pays. Donc, depuis un an et demi, moi, j'ai monté une équipe avec des anciens d'Alstom. On a créé une équipe de management complète. On a aussi beaucoup parlé avec des investisseurs. On est accompagné par des investisseurs français dans ce projet de reprise des activités nucléaires. Lorsque j'en ai parlé il y a un an et demi, c'était peut-être un peu trop tôt, mais maintenant, on a eu la crise du Covid, et donc maintenant, ce projet est vraiment d'actualité. Et en plus, maintenant, General Electric l'a remis complètement en vente. Donc maintenant, je veux faire confiance au gouvernement pour qu'il mobilise les services de l'État pour supporter ce projet de reprise, faute de quoi on va perdre une occasion historique, parce que cette partie pourrait être revendue à des grands fonds américains, etc. Et dans ce cas-là, on va se retrouver dans une situation encore pire que celle que nous avons actuellement. Et vous allez vous investir dans ce projet-là ? Bien sûr, bien sûr, mais ça fait plus d'un an et demi que je suis complètement investi dans ce projet, que j'ai remonté l'équipe de management complète avec les anciens d'Alstom, que j'ai mobilisé les investisseurs sur ce projet. Et maintenant, les gens veulent voir des actes. On a eu le constat, donc le constat est maintenant clair et maintenant partagé. On a eu les discours, on a l'argent, donc maintenant il faut l'acte, il faut juste maintenant mettre les actes en adéquation avec les rapatrier nos forces industrielles. Mais là, on est en plein dans le sujet. Oui. On est en plein dans le sujet de réindustrialisation de la France. Donc, avant de réindustrialiser la France, récupérons ce qui est le plus stratégique pour nous. Donc, l'industrie nucléaire, c'est quand même le cœur de notre indépendance énergétique. Ça a été bâti dans les années 60-70 avec une vision d'indépendance énergétique. Nous avons perdu cette indépendance. Maintenant, on a une occasion historique de la recouvrer. Et en plus, la France et l'Europe sont engagées dans un processus de transition énergétique dans lequel la France a un rôle majeur à jouer. Chaque pays, pour l'instant, a son propre plan, mais le parc nucléaire français est un atout extrêmement important dans cette transition énergétique. Il est vraiment dans le vent de l'histoire ? Il est vraiment dans le vent d'histoire, parce que le parc nucléaire français peut aider, en fait, à absorber l'intermittence des renouvelables. Et si on veut faire des renouvelables, il faut absolument que derrière, il y ait des capacités pour pouvoir absorber l'intermittence. Stratégie parallèle, quoi. À la fois le c'est développement pas une durable... C'est une stratégie intégrée. Par exemple, vous prenez Fessenheim, qui vient de fermer. On pourrait très bien utiliser la partie, pas la partie nucléaire, mais la partie conventionnelle de Fessenheim, pour l'intégrer avec les énergies renouvelables. Et pour réutiliser une partie de cette centrale-là. En France, nous avons la chance, à Belfort, d'avoir les meilleurs ingénieurs au monde en termes d'ingénierie thermique pour ce genre de centrale. Et nous avons, avec les personnes qui m'accompagnent, bien évidemment, réfléchi beaucoup au projet industriel derrière ce projet de reprise. Et j'espère simplement maintenant que je veux faire confiance au gouvernement pour qu'il se mobilise pour nous supporter cette... Il le faut, sinon, nous aider. Il le faut, sinon c'est impossible, c'est une montagne. Non, mais sinon, ça va être vendu à un fonds d'investissement, certainement anglo-saxon, qui n'aura pas vraiment l'intérêt ni de la souveraineté française, de la souveraineté énergétique, de la souveraineté industrielle, et ne parlons pas des objectifs sociaux. Vous avez vu ce qui s'est passé à Belfort, lorsque General Electric avait promis de créer 1000 emplois, ils en ont détruit 1000. Ouais. Merci infiniment, Frédéric Pierucci, pour toutes ces informations, parfois ces confidences, et... la confidence de votre projet. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Cette semaine, une série intitulée L'Otage. Sixième et dernier épisode, Le Retour en Enfer. Une fiction écrite par François Luciani et Mathieu Aron. Réalisée par Cédric Ossir. Une émission proposée par Christophe Barrère. Assistée de Rebecca de Nantes. Et réalisée par Anne Lioro. À la technique, Julien Dumont et Mathias Alléon. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.